Ah, aussitôt que tu parles de structure, là, c'est plus pour nous-mêmes. Tu comprends? Moi, je dis que la structure ne sera pas nécessaire pour les gens qui vont venir. Mais disons qu'elle va être nécessaire pour les gens de l'extérieur. C'est-à-dire que ça va être comme une... pas une protection, mais je veux dire... ou un voile. Ou... ce ne sera pas nécessaire pour les gens qui vont être impliqués dedans. Les gens qui vont être dedans, ils n'en auront pas besoin. Ce ne sera pas une nécessité pour eux autres. Mais ça va être comme... comme un maintien de quelque chose, d'un ordre. Comme pour pas que ça paraisse de l'extérieur. De sécurité, façade. Comme une façade. C'est une forme qui sert. Ouais. Moi, je ne serai jamais impliqué dans cette structure-là. Mais je serai impliqué. Je serai pas impliqué, mais je serai impliqué. Parce que moi, je sais qu'après 84, il faut que je... il faut que... il faut que... je me retire, je me retire, je me retire, je me retire. Mais... je serai toujours impliqué, mais je serai pas impliqué. Alors, ça demande que les gens qui vont faire marcher cette affaire-là soient réellement dans leur intelligence. Alors, il y a des gens aujourd'hui, même aujourd'hui dans la salle, qui peuvent fonctionner sur une longueur d'onde réellement où le conflit de personnalité n'existe pas. Il n'est pas possible à cause de leur nature. Un, c'est lui, Bellefleur, c'est un exemple. Lui, c'est un autre exemple. Lui, c'est un autre exemple. Croteau, c'est un autre exemple. Ça fait quatre. Quatre. Bessette. C'est subtil, ça. Laisse-moi vous l'expliquer. On n'est pas... on n'est pas encore capable... les gens ne sont pas encore capables... les gens sont capables aujourd'hui d'absorber les personnalités qui sont douces, plaisantes. Alors, il y a deux sortes de personnalités dans tout ça. Il y a des personnalités qui sont douces, plaisantes, puis il y a des personnalités qui sont fortes. Qui sont plaisantes aussi, mais qui sont fortes. Et... on n'est pas capable encore de pouvoir faire la superimposition du doux puis du fort. Le doux, c'est facile. Bellefleur est avec Bellefleur. C'est Bellefleur. Mais être avec Davio, c'est pas pareil. Être avec Bernard Labelle, c'est pas pareil. Alors, il y a comme une polarité dans l'énergie de l'intelligence qui existe. Et la polarité dans l'énergie de l'intelligence doit être, à un certain moment, neutralisé complètement. De sorte que ceux qui sont forts ne soient pas sentis dans leur force par ceux qui sont doux, et ceux qui sont doux ne soient pas perçus dans leur douceur comme de la faiblesse par ceux qui sont forts. Ben, c'est subtil, la maudite. Ça, c'est la clé. Subtil. C'est subtil. Alors, quand les doux ne pourront pas être perçus par ceux qui sont forts comme de la faiblesse, puis ceux qui sont forts ne seront pas perçus par les doux, à ce moment-là, ça sera le temps de faire cette affaire-là. Fait qu'en attendant, on continue. C'est subtil. Alors, c'est un ajustement vibratoire des personnalités. Puis rendu à ce point-là, il dit on pourra faire tout ce qu'on veut. On pourra servir des éléments vibratoires de l'intelligence dans les forts, comme on pourra servir des éléments vibratoires de l'intelligence dans les ceux qui sont doux. Ils disent pas faible, ils disent doux. Parce que tu as besoin des doux comme tu as besoin des forts. Puis les deux sont deux aspects de l'intelligence. Alors, il y a le doux faible et il y a le doux intelligent. Il y a le fort faux et le fort réel. Puis quand on pourra mixer les deux, à ce moment-là, c'est là que ça commence. Je pense que ça va être dans le bout de 84. Elle, c'est une forte. Pas un cadeau, elle, Louise Farmer. Alors, ça, faut que ça puisse. Ah, c'est bien, bien intéressant. Bien intéressant. Parce que nous autres, les hommes, on considère, à cause du fait qu'on est subjectif, qu'on a énorme, on a une histoire d'insécurité, on considère les forts comme ceux qui l'ont la patente, puis les doux comme ceux qui l'ont pas encore. Puis c'est pas de même. Parce que les doux, c'est un aspect de l'intelligence, comme les forts, c'est un aspect de l'intelligence. Puis quand c'est du vrai fort, puis du vrai doux, pas du faux doux qui est du faible, puis du faux fort qui est... pas du faux fort. Chiasson, c'est du fort. Alors, il y a une... faut que ça soit... Ouais. Oh oui, oh oui. Ils sont pas pressés. Moi, j'en parle, là. Moi, j'ai déjà parlé, il y a 10 ans, des choses que j'ai commencé en 80. Ils sont pas pressés. Nous autres, hein. Pas pressés, pas pressés. Mais quand ils font quelque chose, c'est... c'est parfait. C'est pour ça que, dans... quand ça sera commencé, ça, ça commencera... pour la première fois sur le globe, que l'homme n'aurait plus besoin de travailler. Que l'homme ne sera plus dépendant du système extérieur, qui créera son propre système complet. Il n'en faut plus. Pas de... Ça, c'est comme Gisèle puis moi qui travaillons ensemble. Puis Gisèle a dit, ouais, là, j'ai pas assez d'argent pour payer mes comptes. Elle dit, j'ai besoin de temps de plus. Je suis obligé d'y donner. Je suis obligé de dire, bon, fais-toi ton chèque. Demande-moi pas de permission. Tu comprends? C'est ça, travailler dans l'intelligence. Mais il faut qu'elle soit dans l'intelligence. C'est comme si elle a besoin d'un poêle. C'est arrivé, elle avait besoin d'un poêle, puis sa maison, un petit réchauffe. Puis elle n'avait pas le cash. Je suis obligé de dire, bon ben, prends, ajoute-toi à un poêle. Si tu veux, je te dis, tu n'as besoin d'un poêle. Puis moi, je connais la loi de ça. C'est quelque chose. C'est puissant. Parce qu'on a trop de choses à faire. On n'a plus de temps à travailler. On a du temps à créer, à parler, à écrire, à faire ci, à faire des films, à faire des choses, rencontrer du monde, voyager, mais on n'a plus de temps à travailler. C'est une perte de temps pour nous autres, éventuellement. Il y a bien des choses qu'on sait depuis longtemps, mais t'as pas le temps. T'as pas le temps. Davio, même genre, il n'avait des idées. C'est pas le temps. Il y a un temps. Des fois, on attend longtemps. Il y a un temps. Il faut que ça vienne. Et ils appellent ça de la conscience unitaire. Unitaire. Tu fonctionnes comme une unité, mais tu perds jamais ton individualité parce qu'il n'y a pas de boss. C'est un de l'intelligence dans toi, dans toi, dans toi, dans moi, dans toi. Ils disent que c'est la forme la plus parfaite du gouvernement. Sur le plan matériel. Mm-hmm. Ah, le temps que ça va prendre pour mixer le doux et le fort, c'est le temps qu'on a à passer les deux prochaines années. Parce qu'un jour, nous, l'homme devra être extrêmement mobile. Mobile, ça veut dire que l'homme, fonctionnant en relation avec l'intelligence, aura des déplacements à vivre sur le plan matériel. Et puis, l'intégration de l'intelligence avec la vie matérielle demande... Ce que je veux dire, c'est que de l'intelligence, c'est au bout. Tu sais, il n'y a pas de limite à de l'intelligence. Il n'y a pas d'ego qui limite de l'intelligence. Fait que moi, en fin de semaine, s'il faut que je rencontre un gars à Paris au coin de telle rue, ils vont me dire, va Mirabel, prends l'avion, va-t'en à Paris, tu reviendras dimanche soir, faut que j'y aille. Je rencontre mon gars, je m'en reviens. Mais faut que les conditions soient créées pour que je puisse le faire. Et ainsi de suite. Fait que c'est... Alors, on devra créer les conditions nécessaires pour l'avenir pour qu'on jouisse d'une parfaite mobilité. Ça veut dire qu'à un certain moment, ça prendra dans cette structure des moyens de déplacement rapide. Par la voie des airs comme par la voie des eaux. Et tous les gens qui sont susceptibles d'agencer ça, de maîtriser ces conditions-là, sont là. Si ça prend un gars pour prendre un bateau, il y en aura un. Si ça prend un gars pour piloter un avion, il y en aura un. Si ça prend un gars pour faire ça, vous avez... Tout est là, dans l'intelligence. On les connaîtra, ces gens-là, au fur et à mesure qu'on avance. Mais souvent, on descend ces mouvements-là. Ouais. Mais on crée de l'interférence à cause du contrôle de l'ego. Ben oui, c'est pas le temps. On est pressé, évidemment. Ils disent comme c'est un puzzle. C'est un puzzle. Il faut que le puzzle soit complet, puis il n'y a pas de mouvement tant que le puzzle c'est pas complet. Puis le puzzle a tant de pièces dedans. Il faut qu'on les trouve, puis c'est à nous autres de les trouver, puis on les trouve vu qu'on avance. Fait que rendu à ce point-là, on travaillera plus gros, mais on va travailler beaucoup. Et on travaille le plus gros. Puis on va balancer nos énergies parce que nos corps vont être très, très fatigués. Nos corps physiques vont être très fatigués. Y en a-tu qui commencent à sentir la fatigue du corps physique, la fatigue oui. du... Non. Fatigué. Tu... Du 9 à 5, là, ça commence à être tough. Puis éventuellement, ça devient supportable. C'est là que le temps vient. Je pensais que c'était du coke, puis c'est du Saint-Al. Pouf. OK. Non, merci. Fait que je continue dans mon autre affaire. Je veux expliquer la psychologie de la vibration de l'intelligence. La psychologie de la vibration de l'intelligence, c'est le raffinement de notre corps mental. C'est la capacité à notre corps mental de saisir l'intelligence dans son passage, dans son flash. De le saisir, mais de ne pas s'y attacher au niveau de notre ego. Le plan que je vous parle tout à l'heure, que je vais parler au fur et à mesure qu'on va avancer, ce plan-là est extrêmement vaste. Très vaste. Et l'ego ne peut pas s'attacher à ce plan-là. Mais l'ego doit être capable d'absorber l'intelligence de ce plan-là pour que ce plan-là éventuellement se concrétise dans son temps. Et la psychologie de la psychologie de la vibration est très importante parce que c'est la compréhension instantanée de cette vibration-là qui nous permettra en tant qu'homme de dépasser les insécurités de nos personnalités vis-à-vis ce plan vaste-là qui couvre toute la planète. Et en même temps, on doit réaliser le plan non pas comme un fardeau et non pas comme une œuvre, mais comme une condition de vie réellement idéale. Autrement dit, ce que les hommes peuvent le plus imaginer le plus loin possible, c'est ce plan-là. Pour un homme inconscient, ce plan-là deviendrait comme la vie idéale. Vivre, pas avoir à travailler. Mais tu travailles pareil. Moi, je travaille, mais je travaille pas. Ah, travailler, sans la servitude, ils disent, du travail. Et ce qui bloquera l'individu dans son intégration dans cette énergie-là, c'est sa personnalité, son ego, son corps de désir, son insécurité, ses questions, toute l'intelligence fabriquée qui fait partie de nos personnalités. Alors, automatiquement, on aura besoin, ceux qui avanceront, parce qu'il n'y a personne de forcé dans une situation comme ça, alors ceux qui avanceront dans leur intelligence avanceront automatiquement dans ce plan-là. C'est la seule condition. C'est la seule condition. Il n'y a pas d'autre. Ils disent que les hommes devront savoir ce qui doit être fait. Parce que ce plan-là sera la base de la sécurité matérielle de l'homme dans les événements ou contre les événements de l'avenir. J'aimerais ça répondre à des questions si vous en avez dans votre tête des questions, s'il y en a qui ont des questions. Il y en a-tu qui comprennent ce que je veux dire? Qui savent un peu ce que je veux dire? Il y en a combien qui savent ce que je veux dire? Il y en a pas mal. Tous reconnus, mais entendus. Ouais. Ah, ce qui va se produire, c'est qu'à un certain moment, il y aura une décision prise, puis la décision, elle sera véhiculée, puis elle sera faite. Puis je ferai pas de mouvement tant que tous les éléments du puzzle ne seront pas là. Puis on va avancer comme ça. Parce qu'il va venir un point où on ne pourra plus vivre sans nous autres. On ne pourra plus vivre sans nous autres. Il n'y aura plus de place à aller. Fait que nous autres, on doit être obligés de se créer un environnement qui est conforme à nous autres. C'est aussi simple que ça. On sent d'ailleurs. La vie matérielle, la vie terrestre, d'ailleurs. Plus on avancera dans le temps, plus la vie pour nous autres doit être facile et plus la vie pour l'humanité sera difficile parce que plus tu rentres dans l'intelligence, plus c'est facile. Mais si tu es en dehors de l'intelligence, les événements rendent la vie sur la Terre très pénible. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, plus l'homme avance dans l'intelligence, plus la vie doit être facile. Mais ce qui la rend facile, c'est l'intelligence. Ça, c'est l'intelligence qui a ramassé. Ce que j'appelle un conseil, c'est une agglomération d'hommes qui peut être de 3 personnes ou de plus personnes. Pour le moment, c'est de 3 personnes. Je ne sais pas comment ça finit, ce conseil-là. Peut-être que ça n'a pas de fin. Mais un conseil, c'est fait d'un nombre d'hommes, d'un certain nombre d'hommes qui sont suffisamment dans leur intelligence pour comprendre les subtilités de mon intelligence. C'est ça un conseil. Alors, quand je parlerai d'une chose à ces hommes-là, ils seront suffisamment dans leur intelligence pour comprendre les subtilités de mon intelligence, parce que ce sera eux qui ensuite deviendront le pont. Parce que je ne vais pas toujours fonctionner sur le plan matériel. Alors, il y a un temps où je devrais fonctionner sur le plan télépathique, alors eux autres seront suffisamment dans l'intelligence pour percevoir la vibration, et ensuite, le passer, ce plan-là, à l'exécutif, qui sera suffisamment dans l'intelligence pour comprendre le conseil. C'est ce que tu dis, compliqué. C'est ça. C'est ça. Je vais vous expliquer les lois de l'argent vis-à-vis de l'intelligence. L'argent, c'est une énergie, c'est une forme, mais qui est une énergie parce qu'elle engendre du pouvoir sur le matériel, dans le matériel. Quand l'homme est inconscient, l'homme s'attache à l'argent. Pour en avoir plus, pour en avoir plus, pour en avoir plus, pour en avoir plus. Quand l'homme est inconscient. Quand l'homme est dans l'intelligence, l'argent devient pour lui un outil. Mais l'argent ne peut pas devenir un outil pour lui tant qu'il n'est pas dans l'intelligence, parce que tant qu'il n'est pas dans l'intelligence, il n'a pas la science de l'activité que doit servir l'argent. Autrement dit, c'est comme si à l'argent et attacher l'insécurité de son ego, de sorte que il brise le mouvement de l'énergie de l'intelligence, il n'a pas, autrement dit, la sécurité de l'intelligence en lui, qui lui permet de prendre cette forme d'énergie matérielle et de la rendre créative. Exact. Disons qu'elle, par exemple, elle aurait des dettes. Disons qu'elle a des dettes de 2-3 000 piastres, puis ça mine son énergie, ça la met à terre. L'intelligence dicte que ceux qui sont dans l'intelligence prennent un petit peu de leur argent et qu'ils la dirigent vers elle pour qu'elle reprenne ses énergies pour revenir dans l'intelligence. Et le petit peu qu'ils ont pris pour diriger vers elle, pour la ramener dans son énergie, parce que l'argent affecte l'homme sur le plan astral. Alors, quand l'homme est affecté dans l'astral, il ne peut plus fonctionner dans l'intelligence parce que toute l'énergie est là. Il y a une boule ici. Puis l'intelligence est ici. Alors, elle est soulagée, elle revient dans l'intelligence. Ensuite, l'énergie de son intelligence sert. Alors, c'est un mouvement continuel, c'est un mouvement perpétuel. Aussitôt que l'homme astralement se lie à cet argent-là, il vient de créer un système économique politique. Aussitôt que l'homme se délie de cette forme-là, l'argent devient l'expression dans la matière du mouvement de l'intelligence. De sorte que des hommes qui sont dans l'intelligence ne peuvent jamais éventuellement être asservis par un système économique politique, parce que la forme de l'énergie de la matière, qu'on appelle de l'argent, est déjà liquéfiée en esprit. Elle est devenue esprit. Elle n'est plus seulement matière. Elle est devenue esprit, cette énergie. Et quand l'argent deviendra esprit pour les hommes, parce que l'argent ne sera plus une forme astralement conditionnée par le corps de désir, l'argent deviendra esprit parce que l'intelligence lui aura donné sa fonction et son rôle dans un microsystème conscient intelligent. Et c'est pour ça qu'existe sur la Terre ce qu'on appelle la pauvreté. La pauvreté existe sur la Terre parce que les hommes ne savent pas quoi faire avec de l'argent. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est de l'argent. Si les hommes savaient qu'est-ce que c'est de l'argent, il n'y aurait pas de pauvreté sur la Terre et éventuellement, l'homme ne travaillerait plus. Alors, il fait d'autres choses. libérer astralement et fonctionner dans le mental. Ah, ça va très loin, l'affaire de l'argent. Puis, mais ils disent que l'homme ne peut pas avoir de l'argent, ne peut pas avoir accès à l'esprit de l'argent tant qu'il n'est pas dans l'intelligence. Alors, ça va des deux bords. Parce que si tu donnes de... Elle, je prends par exemple, elle qui a des dettes, il y a un travail qui se fait, là. Alors, elle doit supporter la tension vibratoire de ça, qui l'amène à détruire les formes, qui l'amène à rentrer dans la volonté de l'intelligent. Si tu donnes de l'argent avant le temps, c'est pas bon. Alors, les hommes ne doivent pas avoir de l'argent avant le temps. Ne doivent pas avoir accès à l'esprit de l'intelligence, l'esprit de l'argent avant le temps. Il y a un temps pour ça. Mais quand les hommes auront accès à l'esprit de l'argent, les hommes ne travailleront plus. Ça se comprend-tu, là? Et l'argent étant une force tellement grande sur la Terre, parce que notre condition matérielle, émotive et mentale inférieure en dépend, automatiquement, les conditions de nos vies en général, il y a des cas qui sont particuliers, mais les conditions de nos vies en général sont établies de sorte qu'on n'a pas trop, on a juste assez pour. Puis on ne sait jamais si on va perdre notre job ou non. On a juste assez pour monter le mortgage. Il n'y en a pas trop qui n'ont trop. Parce que si on avait trop d'argent, l'intelligence ne pourrait pas dépendre parce que notre conscience serait fixée dans l'astral de l'argent au lieu d'être fixée dans l'esprit. Fait que qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous coupent. Moi, ils l'ont fait avec moi pendant 4 ans de temps. J'ai été 4 ans, je ne pouvais pas travailler. Puis moi, comme je t'ai fusionné, je ne pouvais pas travailler. Comment tu serais venu à moi? Tu aurais dit, pardon, donner une job dans mon bureau. Tu aurais dit, c'est pas le temps. Voilà. Fait que c'était un mot du temps difficile. Parce que moi, j'ai toujours travaillé, puis travaillé. Mais quand je travaillais, j'étais bien. J'avais toujours du sonnant dans mes poches. Mais quand t'es dans l'intelligence, puis tu peux pas travailler, c'est tough. Si j'avais été permis de travailler, moi, pendant les premières 4 années après l'initiation, j'aurais pas rencontré un nombre de personnes que j'ai rencontrées pendant ces années-là. Parce que pendant ces années-là, j'étais obligé de faire passer une initiation avec ces gens-là. Automatiquement, eux autres souffraient, puis moi, je souffrais. Je dis, hey! Fait que ça va loin. Mais c'est subtil, l'affaire d'argent. Alors, ils disent, là où il y a de l'argent, il y en a, où il n'y en a pas, il y en a pas, il y a une raison. Mais quand l'homme sera dans l'intelligence, à ce moment-là, l'homme comprendra la valeur de l'esprit de l'argent. C'est à partir de ce moment-là qu'on ne travaillera plus. Mais c'est des choses que je ne peux pas parler en public, parce qu'en public, les gens vont dire, ben, Bernard Lamoureux essaie de faire une pause. Il essaie de faire de l'argent, il essaie d'embobiner le monde. Puis c'est normal que les gens réagissent comme ça. Puis c'est bon qu'ils réagissent comme ça. C'est pour ça que je suis obligé d'attendre avant de parler de certaines choses. Quand il y a suffisamment de gens dans l'intelligence. D'ailleurs, c'est une raison pourquoi est-ce que je ne serai jamais impliqué dedans. Mais ça vient à un principe, ça. C'est qu'un jour, on ne doit plus travailler. C'est ça le but de ça. Un jour, on ne doit plus travailler. Et la créativité de l'intelligence sera tellement grande que on n'aura plus besoin de travailler. Mais on travaillera, mais ça sera créatif. On fera ce qu'on voudra faire. Ils disent que les gens sauront par eux-mêmes quand ils seront prêts Parce que les gens seront amenés à une sorte de pression intérieure, à une sorte de tension intérieure, où ils n'auront plus la force astrale d'être à l'extérieur d'eux-mêmes, de travailler à l'extérieur. Ils seront plus capables. Ils vont commencer à sentir le besoin de travailler pour eux-mêmes, en relation. Mais il y en a un qui commence à sentir ça, c'est la Belle. La Belle, il répare des automobiles. Puis quand on va, nous autres, chez eux, ça, c'est le fun. Il parle avec nous autres, puis il parle le char en même temps. Mais aussitôt que c'est un homme de l'extérieur qui vient, ils appellent les inconscients. Là, il y a des tensions. Fait que son expérience à la Belle est un peu notre expérience dans l'avenir. Puis dans le fond, la Belle, il y en a... Tout le monde qu'on connaît, qui ont tous des chars, la Belle, il n'y aurait même pas besoin de servir quelqu'un d'extérieur. Puis il pourra vivre. Puis ça ne sera pas du travail. Pourtant, il fera le même job. Mais ça ne sera pas du travail. Parce que réparer ton char, c'est pas comme réparer le char du gars à côté. Tu t'amènes ton char, puis tu fous la paix, il connaît son affaire, puis il fait son affaire. Là, le gars à côté, il veut dire quoi faire. Parce qu'il ne trosse pas la Belle, parce que c'est un garagiste, patata, tu sais. Fait que ça va. Fait que lui, il sent la vibration de ça. Il veut couper, il veut couper, il veut couper. Mais un jour, on ne doit plus travailler. C'est-tu qu'il y en a qui sont contents? Hein? Cette semaine, moi, j'avais un job qui me... Fais non, tu pètes! T'as vu, dis non, Joe! Ça a-tu du bon sens, famille, ça? T'as dit... Cette semaine, moi, j'avais un job qui m'était offert, puis plus que ça allait, parce que je devais aller à la job, j'avais une tension à me garocher dans les murs. Finalement, quand j'ai pris la décision que j'y allais pas, j'étais bête. Ouais. OK, moi, vous expliquer quelque chose pendant que tu parles de ça. Une femme puis un homme, c'est pas pareil. Un homme, ça fait partie intégrale de sa personnalité. Un homme... Un homme, c'est quasiment... Travailler pour un homme, c'est aussi naturel que mettre des enfants au monde pour une femme. Fait que le poids du travail, il est bien plus grand chez l'homme que chez la femme. Toi, si tu travailles pas, tu peux aller voir Claude puis tu dis, bon, moi, j'ai pas de job. Moi, je te donne un exemple graphique, là. Claude va dire, ben, viens-t'en chez nous, tu peux rester chez nous, il va te nourrir, parce que t'es une femme. Oui. Tu connais ce que je veux dire? Oui. Fait que la femme, elle, sur le plan du travail, d'ailleurs, le problème du travail, c'est pas le problème de la femme, c'est le problème de l'homme. Le problème d'enfantement, c'est le problème de la femme. Dans les terres, la femme n'enfantera plus comme l'homme ne travaillera plus. Mais sur la terre, le fardeau de la femme, c'est d'enfanter, puis le fardeau de l'homme, c'est de travailler. Ça, c'est les deux fardeaux de la conscience expérimentale de l'homme. Alors, la femme, vis-à-vis le travail, c'est pas la même situation. Tu prends la chiasson, elle cherche un job, elle travaille à l'université, puis elle prend des cours d'université, puis elle travaille ici, à l'hôpital. Mais si elle voulait, je parle en tant que femme, la chiasson, elle se ferait un job, puis elle resterait avec lui, puis elle supporterait. Comprends-tu ce que je veux dire, le graphique? Bon, alors, le problème de la femme vis-à-vis du travail, il n'est pas pareil comme le problème de l'homme. Alors, quand je parle, quand je dis demain, on n'aura plus besoin de travailler, je parle réellement aux hommes. Je ne parle pas tellement aux femmes qu'aux hommes. C'est réellement aux hommes que je parle. Ça veut dire, nous autres, on va être encore mieux que les hommes. Mais je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Écoute bien ça. Là, je parle de ma femme pour expliquer le cas. Une femme qui est dans l'intelligence, là, une femme qui est dans l'intelligence, sur le plan matériel, si elle est dans l'intelligence, puis elle n'est pas pognée dans l'affaire de libération de la femme, là, ben elle ne travaille pas. Mais une femme, là, qui a fait ses enfants, puis qui les a élevés, puis sont partis, là, ou qui a le contrôle sur l'éducation de ses enfants suffisamment jeunes, là, qu'elle sait exactement ce qu'elle fait, une femme peut faire une vie très belle sur le plan matériel. Alors, ses émotions sont soulagées, tout son mental, tout son être est soulagé, de sorte qu'elle vieillit très lentement, puis elle se maintient dans sa beauté de femme pendant très, très longtemps. Mais l'homme, lui, il y a toujours la maudite affaire de la job. Parce que la famille, il faut que lui, elle supporte. Fait qu'une femme qui est consciente, qui est dans l'intelligence, qui est accouplée avec un gars qui est intelligent, elle peut faire une très belle vie. Puis lui, bien, c'est intelligent, mais il peut faire une belle vie aussi. Mais il y a toujours la job. C'est pour ça que quand il parle de ce plan-là, il parle réellement en relation avec les hommes. C'est réellement en relation avec les hommes, cette affaire-là. Pour libérer les hommes de cette activité-là, pour engendrer d'autres choses, et ainsi de suite. Mais les femmes en bénéficieront. Mais c'est voulu de même, parce que c'est le travail, c'est l'affaire de l'homme. L'enfantement, c'est l'affaire de la femme. L'éducation des enfants, la responsabilité des enfants. Quand tu es marié, puis tu as un père et une mère, la mère, elle se sent bien plus responsable, a bien plus le poids des enfants que le père, en général. Le père, il va travailler, il vient se faire, on voit un petit bip, puis il se couche, les enfants se couchent. C'est la femme qui a le poids. C'est son travail à elle. Quand je parle de travailler, je parle réellement aux hommes. Mais ça, parce que les hommes sont ceux qui construiront les bases de ça. Ça prend un homme pour construire une maison qui a la force physique, le mental orienté vers cette vibration-là. Pas la femme. La femme, elle va construire en dedans, elle va emménager. Ça prend un homme pour runner un bateau. Elle a la confiance de ne pas échouer. Une femme, elle peut s'asseoir au soleil. En tout cas, il y a une division dans les deux tâches. Là. La souffrance de la femme, il dit, c'est dans l'amour. C'est là que la femme... L'homme, c'est pas dans l'amour qu'il souffre. La femme, c'est dans l'amour. Une femme là, qui a un bon mari, là, puis qui a sait qu'il y a une harmonie entre lui, puis elle est bien. Elle est bien. Une femme, c'est dans l'amour. En général, je parle. Elle, ce qu'elle souffre, c'est de l'amour, elle, sa souffrance. Même si elle n'admet pas. La solitude. Ah, l'amour avec un cheval blanc, mais ça. Regarde ce qui est arrivé avec toi et l'autre. Ça change des vibrations. Hein? Pour l'amour pour une femme, c'est important. C'est important pour un homme aussi, mais c'est différent. L'homme, sa carrière. La construction. Mais l'amour pour une femme quand elle est dans l'intelligence, c'est pas pareil comme l'amour pour une femme quand elle est en dehors de l'intelligence. C'est un autre sorte d'amour. Mais c'est là pareil. C'est pas pareil. Mais c'est là pareil. Elle, c'est un exemple. Dans le temps, l'homme et la femme doivent être dans leur intelligence et ne doivent plus être obligés à la servitude de la matière. Ce qui veut dire le système. Mais tout ça dépend de la sensibilité de chacun. Et notre sensibilité change avec le temps, elle change avec le temps. Il y a des gens qui aujourd'hui peuvent pas s'imaginer avoir besoin de leur petit espace puis leur petit terrain quelque part. Mais je sais que dans un certain nombre d'années, ces gens-là sentiront cette petite vibration-là. Puis après un certain nombre d'années, ils la sentiront, puis éventuellement, parce que l'homme qui est dans l'intelligence veut, a besoin de son environnement. Pour se clôturer. Les initiés se clôturent soit dans leur quoi? Whatever. Dans leur intérieur? Ouais, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Dans leur champ d'harmonie. Moi, je m'ai clôturé chez nous, là. Moi, je ferais la guerre. Si la vie viendrait là, toucher à mon terrain quelque part, je ferais la guerre. Je les amènerai en cours, jusqu'à la cour suprême. Touchez pas à ça. C'est privé. Privé. Mais qu'est-ce qui nous donne ce besoin-là? C'est notre niveau de sensibilité. Pour se maintenir dans l'intelligence. Pour se maintenir. Ah, maudit que t'es intelligent. Oui. Exactement. Pour se maintenir. Exactement. Je vais vous donner un exemple. Chez nous, là, il y a une route, là, là. Le stabo, là. Le gars, il grattait la route. Il grattait ma route. Le chemin n'était pas étroit parce que j'aime pas ça, un chemin large, un petit chemin droit. Là, là, il est obligé, là, il est venu avant hier, là, il a tout bulldozé ma route. Là, j'avais une belle petite route qui montait à ce tableau, là. Là, il a tout bulldozé ma route, ses bords, là. Là, ça a l'air d'un highway. Mais, il pouvait pas faire autrement parce que sa gratte, il faut qu'il y ait d'espace. Mais moi, l'an prochain, je vais avoir ma propre gratte, puis Chris, c'est moi qui vais faire mon terrain. Fait que l'esthétique de mon terrain va être comme moi je veux. Pas un highway, chaque part. Avec des bandes de neige, là, puis des bandes de neige, là. Il a tout brisé la courbe de la route. C'est beau l'hiver quand il y a de la neige, là, puis c'est pas taponné, là. T'sais, il a tout brisé ça, il a tout foutu ça l'air. Fait que là, j'ai une tension, là, pour l'avoir jusqu'à temps qu'il neige assez. Hein, tu sais, Gisèle, ce que je veux dire? Si t'étais venu chez nous à Noël, là, c'est comme une carte postale. La maison a l'air d'une petite maison de bonbons, là. C'est tout blanc autour, là. T'sais, tu sens bien chez vous. Là, c'est un highway, jusque dans mon parking. Ça, c'est un manque de sensibilité. Puis j'ai voulu le dire, puis ils m'ont coupé les chiens. Ils m'ont coupé. Fait que moi, c'est une souffrance. Faut que je vive avec. Mais je te l'ai dit, l'an prochain, je vais avoir mon propre truck. Je vais avoir un maudit truck. Je vais le bulldozer mon terrain. Comme je veux. Pouce par pouce. Mais c'est une souffrance. C'est une souffrance. C'est un petit peu. Hein? Ça prend une souffleur. Oui. C'est ça. C'est bien les ouais, ouest, c'est ça. C'est ça. C'est bien blanc, la vie. Hé, hey, ils m'ont ruiné mon affaire net. Mais lui, il faut y aller tout le temps pour faire de la raison. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de souffleuse. Fait qu'il n'y a pas de. Fait que je le comprends, puis c'est pour ça que, tu sais, je peux pas vous dire au gars, m'amène ta souffleuse, il n'y en a pas de souffleuse. Il boit tout. Fait qu'il a tout déboîté mon terrain. C'est effrayant. C'est effrayant. Je prends la peine de dire à ma petite fille, passe pas sur le gazon autour de la maison, devant la maison, passe, il y a assez de terrain, là. Détruis pas. Brise pas la nappe. Là, la belle nappe blanche, là. Elle comprend ça. Elle est assez sensée à comprendre ça. Mais ça revient tout à ta sensibilité. C'est pour ça que plus tu tombes dans l'intérêt. Parce qu'ils te parlent, eux autres, hein. Quand ils disent c'est un sans-dessin, fait que toi, tu vibres le sans-dessin. Tu vibres le sans-dessin. S'ils disent c'est un sans-dessin de faire ça, mais ils ne pouvaient pas faire autrement, mais tu vibres du sans-dessin, mais tu rebalances avec le fait qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Fait que l'an prochain, tu t'arranges pour avoir un comment ça s'appelle, tu veux? Là. C'est une souffrance. Fait que plus on grandit dans l'intelligence, ben plus on est susceptible de souffrir. Fait que qu'est-ce qui arrive au bout de ça? Tu veux privé. Avec une grosse enseigne, privé. Ça vient de là, le privé. Je disais à l'article aujourd'hui, Paul Newman, il s'en va dans un restaurant, toutes les femmes veulent. Ouais, montre-lui dans. Ils veulent, toutes les femmes veulent qu'il enlève ses lunettes pour qu'il voie ses yeux. Le gars, il peut pas aller pisser, il faut qu'il envoie ses lunettes, voir ses yeux. Pas une vie. Fait que là, c'est rendu qu'il veut, il va plus dans les réceptions, puis il va plus dans les restaurants, puis il va pas en public. Il est enfermé chez eux. T'es enfermé chez eux. Fait que si quand t'es dans l'intelligence, t'es content d'être enfermé, mais quand t'es pas conscient, c'est pas le fun d'être enfermé. Ça, c'est l'astral. Comment est-ce que ça s'appelle? Tu sais, le petit noir américain, le nègre, là. Le comédien, là. Le petit, là. Sammy Davis Jr. J'étais dans un hôtel à Montréal, puis Sammy Davis Jr. s'est trompé, il m'a appris pour un autre. Puis il arrive, puis il me donne une tape sur l'épaule, comprends-tu? Puis il dit, il pensait que je t'appelle quelqu'un qui connaissait. Ça me donnait un choc. Je dis, c'est pas moi, Paul. Si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aurait tombé sur... C'est le gars qui aurait tombé sur le cul. Parce que les gens, ils souffrent du vedettisme. J'ai dit, c'est pas moi, Paul. J'ai dit, almost broke my goddamn shoulder. J'ai dit, with your humor. Il s'est excusé. Il t'a vu trouver son pote. Là, d'un coup, j'entends la parole. Puis c'est Sammy Davis Jr., Sammy Davis. Tout le monde prend les femmes regardaient, puis les gars regardaient Sammy Davis. C'est comme le Christ qui arrivait dans la scène. Frère. Les gens n'ont plus d'identité. Fait que c'est pour ça qu'éventuellement, on va être privé. Mais être privé. Ah, oh, c'est je vais en parler de ça. Vivre privé, c'est pas facile. Tant que t'es pas dans ton intelligence. Parce que l'astral, il est toujours là. Tu sais, vivre à l'intérieur de tes frontières, là, faut que tu sois bien dans ton intelligence. Sans ça, tu vas voir aller au coin, au club, ou. Tu sais, on dirait que. Tu veux toujours sortir. Vivre sur une île, là, bien plaqué là, avec tes vibrations, tes affaires, pendant 10 ans, sans sortir de là, je te jure, il faut que tu sois bien dans ton intelligence. Fait que vivre privé, c'est pas aussi facile que les gens pensent. Quand tu n'as ses vues, t'en viens. Ouais. Alors, quand t'as la vibration de vivre privé, il y a rien que ça qui compte. Puis ils disent que plus tu deviens occulte, dans le sens que occulte, là, intérieur, là, mais plus tu veux vivre privé. Fait qu'aussitôt que tu sors de tes lignes, t'es sans les vibrations. Vivre dans son propre espace, ça c'est mieux. Ouais, privé.